La radiodiffusion française vous présente sa matinée classique, donnée avec le concours des comédiens français, et consacrée à Molière et ses ennemis. Production et réalisation de Jacques Régnier. Vous pourrez écouter successivement Georges Dandin, comédien en trois actes de Molière, et Élomir Hypocondre, cinq actes de Le Boulanger de Chalusset. Cette émission est préfacée par M. Pierre-Aimé Touchard, administrateur général de la Comédie Française. La Comédie Française va vous présenter aujourd'hui Georges Dandin de Molière, suivi d'une pièce écrite de son vivant par un de ses ennemis, et dont l'objet principal est d'amener Molière à renoncer à écrire des comédies de caractère pour se contenter de cultiver le genre mineur de la farce. C'est dire que l'on feignait de ne voir en lui qu'un imitateur, sinon un plagiaire, des farceurs italiens. On renvoyait dédaigneusement à ses tréteaux l'auteur déjà célèbre des Précieuses Ridicules, de l'École des Femmes et de Tartuffe. Après trois siècles, Molière est suffisamment vengé dans l'esprit de nos contemporains pour que la naïve perfidie de telles attaques puisse provoquer chez nous autre chose qu'un sourire. Les titres des grands chefs-d'œuvre de Molière sont dans toutes les mémoires, mais précisément parce qu'on a voulu rabaisser Molière au rang d'auteur de farce, il nous a paru amusant, en vous proposant d'écouter Georges Dandin, de vous rappeler comment, même dans la farce, Molière était capable de dépasser le comique de situation pour y intégrer l'amertume tragique d'une réflexion pitoyable et désabusée sur la condition humaine. La plus puissante originalité de Dandin, c'est sans doute que le mouvement même de la farce y soit respecté, ainsi que l'aspect caricatural des personnages et l'invraisemblance des situations, et que cependant, je dirais presque d'autant plus, la vérité d'un drame y apparaisse sous son aspect le plus banal, le plus quotidien, le plus irréfutable et le plus bouleversant. Tout y est de ce qui tisse le malheur des hommes. L'inconscience féminine, l'incompréhension réciproque des besoins de chacun, la sottise et la vanité dévastatrice de provinciaux épais, la faiblesse d'un brave homme, et au-delà de cette médiocrité, les larmes brûlantes d'une solitude désespérée. Voici la distribution de Georges Dandin. Messieurs Jean Meyer, Monsieur de Sautainville. Fernand Ledoux, Georges Dandin. Michel Galabru, Colin. Jean-Paul Roussillon, Lubin. Roland Alexandre, Clitandre. Mesdames Béatrice Bretty, Madame de Sautainville. Micheline Boudet, Claudine. Yvonne Godot, Angélique. La scène est devant la maison de Georges Dandin. Ah, qu'une femme demoiselle est une étrange affaire. Et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions. Et s'allier comme j'ai fait à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable, assurément. Mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font nous autres entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nos personnes. C'est notre bien seul qu'ils épousent. Et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom, et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Georges Dandin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant, et je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Que diantre ce drôle-là vient y faire chez moi? Il a un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Il doute de quelque chose. Ouais. Il a grand-peine à s'élever. Oh, j'ai peur qu'il n'ait dit qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur. Vous n'êtes pas d'ici, que je crois. Non. Je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Hé! Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Vous venez de là-dedans? Chut. Comment? Quoi donc? Motu. Il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Pourquoi? Mon Dieu, pas. Mais encore... Doucement. J'ai peur qu'on ne nous écoute. Point, point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Et il ne faut pas qu'on sache cela. Entendez-vous? Oui. Voilà la raison. On m'a enchargé de prendre garde que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement comme on m'a recommandé. C'est bien fait. Le mari, a-t-il dit, est un jaloux qui veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Il ferait le diable à quatre si cela venait à tes oreilles, vous entendez bien. Fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper. Tout doucement, vous comprenez bien. Le mieux du monde. Et si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien. Assurément. Et comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de... Chose. Point, je ne me souviens jamais comment diantre et baragouine ce nom-là. Monsieur Cli... Clitandre. Et ce jeune courtisan qui demeure? Oui, auprès de César. Oh, c'est pour ça que depuis peu, ce demoiselle Polis est venu loger contre moi. J'avais bon nez, sans doute, et son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. Tétiguet, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or. Pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez, s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien, et ce qu'est, au prix de cela, une journée de travail où je ne gagne que 10 sols. Eh bien... Avez-vous fait votre message? Oui. Ah, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine, qui tout du premier coup a compris ce que je voulais, et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Oh, coquine de servante. Cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié. Et il ne tiendra qu'à elle que nous ne soyons mariés ensemble. Mais quelle réponse a faite la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire... Attendez, je ne sais si je me souviendrai bien de tout cela. Qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle et qu'à cause de son mari... Qu'est fantasque. Il garde d'en rien faire paraître et qu'il faudra songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. Pandarde de femme. Oh, Tétiguienne, ça sera drôle. Car le mari, il doutera point de la manigance. Voilà ce qui est bon. Il aura un pied de nez avec sa jalousie. N'est-ce pas? C'est vrai. Bouche cousue, au moins. Gardez bien le secret, afin que le mari ne le sache pas. Oui, oui. Pour moi, m'en vais faire semblant de rien. J'ai la femme à toi. On dirait pas que j'y touche. Eh ben, Georges Dandin, vous voyez de quelle heure votre femme vous traite. Voilà ce que c'est que d'avoir voulu épouser une demoiselle. On vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger. Et la gentillerie vous tient les bras liés. L'égalité de condition laisse du moins à l'honneur d'un mari liberté de ressentiment. Et si c'était une paysanne, vous auriez maintenant tous vos coups des franches à vous en faire la justice avant coup de bâton. Hé, vous avez voulu tâter de la noblesse. Et vous ennuyez d'être maître chez vous. Oh, j'enrage de tout mon cœur, je me donnerais volontiers des soufflets. Quoi? Écouter impudemment l'amour d'un damoiseau et y promettre en même temps de la correspondance? Morbleu! Je ne veux point laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas les fermer plainte au père et à la mère... et les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. Mais les voici l'un et l'autre fort à propos. Qu'est-ce, mon jeune? Vous me paraissez tout troublé. Aussi en ai-je du sujet. Mon Dieu, notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai d'autres choses en tête. Oh, encore! Est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Ne vous défrayez-vous jamais avec moi de la familiarité de ce mot de ma belle-mère? Et ne seriez-vous vous accoutumer à me dire « madame »? Parbleu, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition. Que tout gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous, et que vous devez vous connaître. C'en est assez, m'amour, laissons cela. Oh, mon Dieu, monsieur de Sautenville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Corbleu, pardonnez-moi. On ne peut point me faire de leçons là-dessus, et j'ai su montrer en ma vie par 20 actions de vigueur que je ne suis point homme à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné un petit avertissement. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut en parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Sautainville, que j'ai lieu de... Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh ben, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautainville, j'ai à vous dire que ma femme me donne... Tout beau! Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage. Comment ? Ma femme n'est pas ma femme ? Oui, notre gendre, elle est votre femme. Il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Oh, Georges Dandin, où t'es-tu fourré ? De grâce, mettez pour un moment votre gentillerie à côté et souffrez que je vous parle maintenant comme je pourrais. Au dire entre soi la tyrannie de toutes ces histoires-là. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Il a raison, mon jeune. Ah, parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages. Et quels avantages, madame? Puisque madame y a, l'aventure n'a pas été mauvaise pour vous, car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées. Et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi ai-je profité, je vous prie? Que d'un allongement de nom. Et au lieu de Georges Dandin d'avoir reçu par vous le titre de monsieur de la Dandinière. Mais ne comptez-vous pour rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautainville? Et à celle de la Prudoterie, dont j'ai l'honneur d'être issu. Maison où le ventre anoblit, et qui, par ce beau privilège, rendra vos enfants gentilshommes. Ouais, voilà qui est bien. Mes enfants seront gentilshommes. Mais je serai cocu, moi, c'est mine pour la garde. Mais que veut dire cela, notre gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive. Et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Tout beau! Prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la Prudoterie, il y a plus de 300 ans qu'on n'a pas remarqué qu'il y ait eu une femme, Dieu merci, qui ait fait parler d'elle. Corbleu! Dans la maison de Sautainville, on n'a jamais vu de coquette. Et la bravoure n'y est pas plus héréditaire au mâle que la chasteté aux femelles. Nous avons une Jacqueline de la Prudoterie qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père, gouverneur de notre province. Il y a eu une Mathurine de Sautainville qui refusa 20 000 écus d'un favori du roi qui lui demandait seulement que la faveur de lui parler. Oh, oh bien, votre fille n'est pas si difficile que ça. Et elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Expliquez-vous, mon gendre. Nous sommes poigeants à la supporter dans de mauvaises actions et nous serons les premiers, sa mère et moi, à vous en faire la justice. Nous n'entendons point raillerie sur les matières de l'honneur et nous l'avons élevée dans toute la sévérité possible. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a ici un certain courtisan que vous avez vu, qui est amoureux d'elle à ma barbe et qui lui a fait faire des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Jour de Dieu, je l'étranglerai de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Corbleu ! Je lui passerai mon épée au travers du corps, à elle et au galant, si elle avait forfait à son honneur. Je vous ai dit ce qui se passe pour vous faire mes plaintes, et je vous demande raison de cette affaire-là. Ne vous tourmentez point, je vous la ferai de tous deux. Et je suis homme pour serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous pas bien sûr aussi de ce que vous nous dites? Très sûr. Prenez bien garde, au moins, car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses, et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clair. Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qui ne soit véritable. M'amour, allez-vous en parler à notre fille, tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Oh, se pourrait-il, mon fille, qu'elle s'oubliât de la sorte, après le sage exemple que vous avez vous-même, que je lui ai donné? Nous allons éclaircir l'affaire. Suivez-moi, mon gendre. Et ne vous mettez pas en peine. Vous verrez de quel bois nous nous chauffons lorsqu'on s'attaque à ceux qui nous peuvent appartenir. Ah, le voici qui vient vers nous. Monsieur, suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautainville. Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour et j'ai eu l'honneur dans ma jeunesse de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure. Monsieur mon père, Jean-Gilles de Sautainville eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. Et j'ai eu un aïeul, Bertrand de Sautainville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage d'outre-mer. Je le veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous voyez qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui ? Moi ? Oui. Et je suis bien aise de vous parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Voilà une étrange médisance. Qui vous a dit cela, monsieur ? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Ce quelqu'un-là en a menti, je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là ? Moi, aimer une jeune et belle personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautainville. Je vous révère trop pour cela et suis trop votre serviteur. Quiconque vous l'a dit est un sot. Alors, mon gendre. Quoi ? C'est un coquin et un maraude. Répondez. Répondez vous-même. Si je savais qui ce peut être, je lui donnerais en votre présence de l'épée dans le ventre. Soutenez dans la chose. Elle est toute soutenue. Cela est vrai. Est-ce votre gendre, monsieur, qui... Oui, c'est lui-même qui s'en est plaint à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir, et sans cela, je lui apprendrai bien à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous ? Moi ? Et comment lui aurais-je dit ? Est-ce que cela est ? Oh, je voudrais bien le voir, vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y, je vous en prie. Vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu par plaisir à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement de petits billets doux, à épier les moments que mon mari n'y sera pas ou le temps que je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Mais là, là, madame, tout doucement. Il n'est pas nécessaire de me tant faire de leçons et vous tant scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer ? Et que sais-je, moi, ce qu'on vient me conter ici ? On dira ce que l'on voudra, mais vous savez, si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré... Vous n'aviez qu'à le faire, vous auriez été bienvenu. Je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. Que je ne suis point homme à donner du chagrin aux belles. Et que je vous respecte trop, et vous et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Eh bien, vous le voyez. Voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela ? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout, que je sais bien ce que j'ai. Et que tantôt, puisqu'il faut parler, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade. J'ai envoyé une ambassade. Claudine. Est-il vrai ? Par ma foi, voilà une étrange pause. Taisez-vous, carogne que vous êtes. Je sais de vos nouvelles, et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Qui, moi ? Oui, vous, ne faites point tant la sucrée. Hélas, que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi. Moi qui suis l'innocence. Taisez-vous, bonne pièce. Vous faites la sournoise, mais je vous connais il y a longtemps, et vous êtes une dessalée. Madame, taisez-vous, vous dis-je. Vous feriez bien porter la folle enchère de tous les autres, et vous n'avez point de père gentilhomme. C'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Oh, cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. Et plutôt au ciel que je fusse capable de souffrir, comme il dit, les galanteries de quelqu'un, je ne serais pas tente à plaindre. Adieu, je me retire. Je ne puis plus endurer qu'on m'outrage de cette sorte. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur, vous devez, pour le punir, faire l'amour à ma maîtresse. Poussez, c'est moi qui vous le dis, ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là. Et votre procédé met tout le monde contre vous. Allez, songez à mieux traiter une demoiselle bien née. Et prenez garde désormais à ne plus faire de pareilles bévues. J'enrage de bon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur, vous voyez comme j'ai été faussement accusé. Vous êtes homme qui savez les maximes du point d'honneur, et je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. C'est juste, et c'est l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Comment satisfaction ? Oui, cela se doit dans les règles pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose, moi, dont je ne demeure pas d'accord de l'avoir à tort accusé. Et c'est bien ce que j'en pense. Il n'importe quelque pensée qui vous puisse rester, il a nié. C'est satisfaire les personnes et l'on a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Si bien donc que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte pour se dédier. Point de raisonnement. Faites-lui les excuses que je vous dis. Moi ? Je lui ferai encore des excuses après. Allons, vous dis-je, il n'y a rien à balancer. Vous n'avez que faire d'avoir peur d'en trop faire, puisque c'est moi qui vous conduis. Je ne saurais. Ah, corbleu, mon gendre ! Ne m'échauffez pas la bile. Je me mettrai avec lui contre vous. Allons, laissez-vous gouverner par moi. Oh, Georges Dandin. Votre bonnet à la main le premier, monsieur, est gentilhomme et vous ne l'êtes pas. J'enrage. Répétez après moi. Monsieur. Monsieur. Je vous demande pardon. Oh. Ah ! Je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire. Et je vous prie de croire. Que je suis votre serviteur. Voulez-vous que je sois le serviteur d'un homme qui me veut faire cocu ? Ah ! Il suffit, monsieur. Non, je veux qu'il achève et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Que je suis votre serviteur. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Et je ne songe plus à ce qui s'est passé. Pour vous, monsieur, je vous donne le bonjour. et je suis fâché du petit chagrin que vous avez eu. Je vous baise les mains, et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de coudre un lien. C'est trop de grâce que vous me faites. Voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui et ne souffrira point que l'on vous fasse aucun affront. Vous l'avez voulu, Georges Dandin, vous l'avez voulu. Cela vous sied fort bien, et vous voilà ajusté comme il faut. Vous avez justement ce que vous méritez. Allons. Il s'agit seulement de désabuser le père et la mère. Et je pourrais trouver peut-être quelques moyens d'y réussir. Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vienne de toi. Et que tu l'eusses dit à quelqu'un qui l'ait rapporté à notre mère. Oh, par ma foi, j'en ai touché qu'un petit mot en passant à un homme afin qu'il dit point qu'il m'avait vu sortir. Et il faut que les gens en ce pays-ci soient de ben grands babillards. Ah, vraiment? Ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Et il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Oh, bah, une autre fois, je serai plus fin et je prendrai mieux garde à moi. Oh oui, oui, il sera temps. Ne parlons plus de cela. Écoute. Que veux-tu que j'écoute? Tourne un peu ton visage devers moi. Oh, eh bien, qu'est-ce? Claudine. Quoi? Oh, et là, ne vois-tu pas bien ce que je veux dire? Non. Morguez, je t'aime. Oh, tout bon. Oui, le diable m'emporte. Tu peux m'en croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Je me sens tout ribouillé le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Oh, comment est-ce que tu fais pour être si jolie? Je fais comme font les autres. Vois-tu, il ne faut point tant de beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari et nous serons tous deux mariés femmes. Tu serais peut-être jaloux, comme notre mère. Oh, point. Pour moi, je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose du monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. Oh. Alors, la vérité de l'affaire est qu'on n'y gagne rien de bon. Ça nous fait songer à mal, et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons que liberté de ce qu'il nous en faut. Et il en est comme ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent prenez, nous en usons honnêtement. Et nous nous contentons de la raison, mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et nous ne les épargnons point. Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse. Et tu n'as qu'à te marguer avec moi. Eh bien, bien, nous verrons. Oh, viens donc ici, Claudie. Que veux-tu? Viens te dire. Ah, doucement, je n'aime pas les patineurs. Oh, un petit brin d'amitié. Ah, laisse-moi te dire, je n'entends pas railler. Claudie, Oh, que tu es rude à pauvre Jean, fille, que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu point de honte d'être si belle et de vouloir pas qu'on te caresse? Je te donnerai sur le nez. Oh, la farouche, la sauvage fille, point. La vilaine qui est cruelle. Tu t'émancipes. Oh, qu'est-ce que cela te coûterait de me laisser faire? Ah, il faut que tu te donnes patience. Un petit baiser seulement, rabattant sur notre mariage. Mais je suis votre servante. Oh, Claudie, je t'en prie, surlétends-moi. Que nenni, j'y ai déjà été attrapée. Adieu, va-t'en. Oh. Et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu. Beauté rue d'Anière. Oh, oh, le mot est amoureux. Adieu, rocher, caillou, pierre de taille, et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je vais remettre aux mains de ma maîtresse. Mais la voici avec son mari. Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Non, on ne m'abuse pas avec tant de facilité. Et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense, et votre galimatia ne m'a point tantôt ébloui. Ah, la voilà. Mais le mari est avec elle. Au travers de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Mon Dieu, laissez là votre révérence. C'est pas ces sortes de respect dont je vous parle. Et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi, me moquer? En aucune façon. Oh, je sais votre pensée et connais... Encore? Oh, ne rayons point davantage. Il n'y a pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Et le respect que je veux dire ne regarde point ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Faut point lever les épaules et je dis pas de sottises. Mais qui songe à lever les épaules? Mon Dieu, nous voyons clair. Je vous dis encore une fois que le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect. Et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, mais mal fait à vous. Ouais, vous n'avez que faire de hocher la tête. Faire la grimace. Moi? Je ne sais ce que vous voulez dire. Je le sais fort bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche. La famille des dents et dents. Un moment d'entretien. Hein? Quoi? Je ne dis mot. Le voilà qui vient rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Quoi qu'on en puisse dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser? Et par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite et cela me fait du plaisir. Ouais. Mais quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre vol. Ça n'est pas la moins compte. Et les dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Oh! Les dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela. Je ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donné publiquement? Moi? Je ne vous l'ai point donné de bon cœur. Vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement et si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Ce sont eux, proprement, qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts qu'on pourra vous faire. Pour moi qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi et que vous avez pris sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde et goûter le plaisir de mouir dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition et rendez grâce au ciel de ce que je ne suis pas capable de quelque chose de plus. Oh, oui, c'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari, et je vous dis que je n'entends pas cela. Moi, je suis votre femme, et je vous dis que je l'entends. Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote. Et de le mettre en état de ne plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Oh! Allons, Georges Dandin! Il pourrait me retenir, et il vaut mieux quitter la place. J'avais, madame, impatience qu'il s'en allât pour vous rendre ce mot de la part que vous savez. Voyons. Que je puis remarquer, ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop. Ah. Oh, Claudine, que ce billet s'explique d'une façon galante. Que dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, les gens de cour ont un air agréable. Et qu'est-ce que c'est auprès d'eux que nos gens de province? Je crois qu'après les avoir vus, les dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici, je m'en vais faire la réponse. Oui. Je n'ai pas besoin, que je pense, de lui recommander de la faire agréable. Oh, mais voici... Oh, vraiment, monsieur, vous avez pris là un habile messager. Oh. Je n'ai pas osé envoyer de mes gens. Mais, ma pauvre Claudine, il faut que je te récompense des bons offices que je sais que tu m'as rendus. Oui, monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, monsieur, vous n'avez que faire de vous donner cette peine-là. Et je vous rends service parce que vous le méritez et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Je ne suis obligée. Tiens, puisque nous serons mariés, donne-moi cela que je le mette avec le mien. Je te le garde aussi bien que le baiser. Dis-moi, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée y répondre. Mais Claudine, n'y a-t-il pas moyen que je la puisse entretenir? Oui. Ah! Venez avec moi, je vous ferai parler à elle. Mais le trouvera-t-elle bon? Et n'y a-t-il rien à risquer? Non, son mari n'est pas au logis, et puis ce n'est pas lui qu'elle a le plus aménagé. C'est son père et sa mère. Et pourvu qu'il soit prévenu, tout le reste n'est point à craindre. Je m'abandonne à ta conduite. Tête Higuère. Que j'aurai là une habile femme. Elle a de l'esprit comme 4. Voici mon homme de tantôt. Plutôt au ciel qu'il puisse résoudre à vouloir rendre témoignage au père et à la mère de ce qu'ils ne veulent point croire. Ah, vous voilà, monsieur le babillard à qui j'avais tant recommandé de ne point parler, qui me l'aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur et vous allez dire tout ce qu'on vous dit en secret. Moi? Oui. Vous avez été tout rapporté au mari et vous êtes cause qu'il a fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue et cela m'apprendra à vous plus rien dire. Écoute, mon ami. Si vous n'aviez point babillé, je vous aurais conté ce qui se passe à cette heure, mais pour votre punition, vous saurez rien du tout. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà ce que c'est que d'avoir causé. Vous n'entendrez plus et je vous laisse sur la bonne bouche. Arrête un peu. Point. Je ne te veux dire qu'un mot. Nani, vous avez envie de me tirer les verres du nez? Non, ce n'est pas cela. Quelque chose, je vous vois venir. C'est autre chose. Écoute. Point d'affaire. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à Claudine et qu'elle l'a amené chez sa maîtresse? Mais je suis pas si bête. De grâce. Non. Je te donnerai. Je n'ai pu me servir avec cet innocent de la pensée que j'avais. Mais le nouvel avis qui lui a échappé ferait la même chose. Et si le galant est chez moi, ce serait pour avoir raison aux yeux du père et de la mère et les convaincre pleinement de l'effronterie de leur fille. Le mal de tout ceci, c'est que je ne sais comment faire pour profiter d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle. et quelque chose que je puisse voir moi-même de mon déshonneur, je ne serai point cru à mon serment et l'on me dira que je rêve. Si d'autre part je vais quérir beau-père et belle-mère sans être sûr de trouver chez moi le galant, ça sera la même chose et je retomberai dans l'inconvénient de tantôt. Pourrais-je point m'éclaircir doucement s'il y a encore? Ciel! Il n'en faut plus douter. Et je viens de l'apercevoir par le trou de la porte. Le sort me donne ici de quoi confondre ma partie. Et pour achever l'aventure, il fait venir à point nommé les juges dont j'avais besoin. Enfin! Vous ne m'avez pas voulu croire tantôt et votre fille a emporté sur moi. Mais j'ai en main de quoi vous faire voir comme elle m'accommode. Et Dieu merci, mon déshonneur est si clair maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon gendre, vous en êtes encore là-dessus? Oui, j'y suis. Et jamais je n'ai eu tant de sujets d'hier. Oh, vous venez encore nous étourdir la tête. Oui, madame. Et l'on fait bien pis à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre important? Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Non, madame. Mais je voudrais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Oh, jour de Dieu, notre gendre, apprenez à parler. Corbleu, cherchez des termes moins offensants que ceux-là. Marchand qui perd ne peut rire. Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Je m'en souviens assez, ne m'en souviendrai que trop. Si vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Mais que ne songe-t-elle plutôt à me traiter plus honnêtement? Quoi, parce que la demoiselle, il faut qu'elle ait la liberté de me faire ce qui lui plaît sans que j'ose souffler. Mais qu'avez-vous donc, et que pouvez-vous dire? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler? Ouais. Mais vous, que pourrez-vous dire si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle? Oh, avec elle? Oui, avec elle. Et dans ma maison? Dans votre maison? Oui, dans ma propre maison. Si cela est, nous serons pour vous contre elle. Oui, l'honneur de notre famille nous est plus cher que toute chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang et l'abandonnerons à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre. Gardez de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt. Mon Dieu, vous allez voir. Tenez, et je mentis. Oh. Adieu. J'ai peur qu'on vous surprenne ici et j'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi donc, madame, que je pourrai vous parler cette nuit. J'y ferai mes efforts. Approchons doucement par derrière et tâchons de n'être point vus. Oh, oh, madame, tout est perdu. Voilà votre père et votre mère accompagnés de votre mari. Au ciel. Faites semblant de rien et me laissez faire, tous deux. Quoi? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de tantôt? Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments? On me vient rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne mon dépit et m'explique à vous clairement, en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose et me donnez parole de n'avoir aucune pensée de m'offenser. Et cependant, le même jour, vous prenez la hardiesse de venir chez moi me rendre visite. De me dire que vous m'aimez, de me faire sens au compte pour me persuader de répondre à vos extravagances. Oh, comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari et m'éloigner jamais de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Ah, si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter de ses entreprises. Mais une honnête femme n'aime point les éclats, je ne garde de lui en rien dire et je veux vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger moi-même des offenses que l'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas d'un gentilhomme. Et ce n'est pas en gentilhomme aussi que je veux vous traiter. Madame, frappez comme il faut. S'il vous demeure quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Apprenez à qui vous jouez. Mon père, vous êtes là. Oui, ma fille, et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton de la maison de Sotainville. Viens, ça. Approche-toi, que je t'embrasse. Oh, embrasse-moi aussi, ma fille. Là, je pleure de joie et je reconnais mon sang aux choses que tu viens de faire. Mon gendre, que vous devez être ravi et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer, mais vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute, notre gendre, et vous devez maintenant être le plus content des hommes. Assurément, voilà une femme celle-là. Vous êtes trop heureux de la voir et vous devriez baiser les pas où elle part. Oh, traîtresse! Qu'est-ce, mon gendre? Que ne remerciez-vous un peu votre femme de l'amitié que vous voyez qu'elle montre pour vous? Oh non, non, mon père, il n'est pas nécessaire. Il ne m'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir, et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Où allez-vous, ma fille? Je me retire, mon père, pour ne me voir point obligée à recevoir ses compliments. Oh, elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée, et vous ne la traitez pas comme elle vous devriez. Scélérate! C'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt, et cela se passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Adieu, mon gendre. Voilà en état de ne vous plus inquiéter. Allez vous en faire la paix ensemble, et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre emportement. Vous devez considérer que c'est une fille élevée à la vertu, et qui n'est point accoutumée à se voir soupçonner d'aucune vilaine action. Adieu, je suis ravie de voir vos désordres finis et des transports de joie que vous doit donner sa conduite. Je ne dis mot, car je ne gagnerai rien à parler. Et jamais il ne s'est rien vu d'égal à ma disgrâce. Oui, j'admire mon malheur. Et la subtile adresse de ma carogne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Est-il possible que toujours j'aurai du dessous avec elle ? Que les apparences toujours tourneront contre moi et que je ne parviendrai point à convaincre mon effronté. Oh, ciel, seconde mes desseins et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. La nuit est avancée et j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je ne vois point à me conduire. Lubin ! Monsieur ! Est-ce par ici ? Je pense que oui. Morgue, v'là une sotte nuit d'être si noire que cela. Elle a tort, assurément. Mais si d'un côté elle nous empêche de voir, elle empêche de l'autre que nous ne soyons vus. Vous avez raison. Elle n'a pas tant de tort. Je voudrais bien savoir, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi il ne fait point jour la nuit. C'est une grande question et qui est difficile. Tu es curieux, Lubin. Oui. Si j'avais étudié, j'aurais été songé à des choses dont on n'a jamais songé. Je le crois. Tu as la mine d'avoir l'esprit subtil et pénétrant. Oui, cela est vrai. Tenez, j'explique du latin, quoique jamais je ne l'ai appris. Non. Et voyons l'autre jour écrit sur une grande porte, collegium. Oui. Je devinais que ça voulait dire collège. Cela est admirable. Mais tu sais donc lire, Lubin. Oui, je sais lire la lettre moulée, mais j'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Nous voici contre la maison. C'est le signal que m'a donné Claudine. Oh, par ma foi, c'est une fille qui vaut de l'argent et je l'aime de tout mon cœur. Aussi t'ai-je amené avec moi pour l'entretenir. Oh, monsieur, je vous suis. Chut ! J'entends quelques bruits. Claudine ? Eh bien ? Laisse la porte entrouverte. Voilà qui est fait. Ce sont elles. Madame ! Quoi ? Claudine ? Qu'est-ce ? Oh, madame, que j'ai de joie! Claudine, ma pauvre Claudine! Et doucement, monsieur! Tout bon, Lubin! Oh, est-ce toi, Claudine? Oui! Êtes-vous, madame? Vous avez pris l'une pour l'autre! Ma foi, la nuit, on y voit goutte! Est-ce pas vous, Clitan? Oui, madame. Mon mari ronfle comme il faut et j'ai pris ce temps pour nous entretenir ici. Cherchons quelques lieux pour nous asseoir. C'est fort bien avisé! Claudine! Où est-ce que tu es? J'ai entendu descendre ma femme et je me suis vite habillé pour descendre après elle. Où peut-elle être allée ? Serait-elle sortie ? Où es-tu donc ? Claudine ! Te voilà. Oh, par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé. Et je trouve ceci aussi drôle que les coups de bâton de tantôt dont on m'a fait récit. Ta maîtresse dit qu'il ronfle à 7 heures, comme tous les diantres. Et il sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Je voudrais bien savoir quel songe il fait maintenant. C'est tout à fait risible. De quoi s'avise-t-il aussi d'être jaloux de sa femme et de vouloir point qu'elle soit à lui tout seul? C'est un impertinent. Et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Tu ne dis mot, Claudine. Allons. Suivons-les et me donne ta petite monote que je la baise. Oh, que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. Oh, du Dieu, comme vous y allez, voilà une petite monote qui est un peu bien rude. Qui va là ? Personne ! Il fuit et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Allons, il faut que sans tarder j'envoie appeler son père et sa mère que cette aventure me serve à me faire séparer d'elle. Oh là ! Colin ! Colin ! Monsieur ! Allons, vite, ici-bas. M'y voilà, on ne peut pas plus vite. Tu es là ? Oui, monsieur. Doucement, par le bas. Écoute, va-t'en chez mon beau-père et ma belle-mère. Et dis que je les prie très instamment de venir tout à l'heure ici. Entends-tu ? Colin ? Colin ! Monsieur ? Où diable es-tu ? Ainsi. Peste le choix du maroufle qui s'éloigne de moi. Je te dis que tu ailles de ce pas trouver mon beau-père et ma belle-mère et leur dire que je les conjure de se rendre ici tout à l'heure. M'entends-tu bien? Réponds! Colin! Colin! Monsieur! Oh, voilà un pandar qui me fera enrager. Viens-t'en à moi. Oh! Oh! Oh, le traître! Il m'a estropié. Où est-ce que tu es? Approche que je te donne 1000 coups. Je pense qu'il me fuit. Ben, assurément. Veux-tu venir? Mais ni ma foi. Viens, te dis-je. Ouais, vous me voulez pas. Eh bien, non, je ne te ferai rien. Assurément. Oui, approche. Bon, oh, tu es bien heureux de ce que j'ai besoin de toi. Va-t'en vite de ma part prier mon beau-père et ma belle-mère de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront. Et leur dis que c'est pour une affaire de la dernière conséquence. Et s'ils aient quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque pas de les presser et de leur bien faire entendre qu'il est très important qu'ils viennent, en quelque état qu'ils soient. Tu m'entends bien maintenant? Oui, monsieur. Eh ben, va vite et reviens de même. Et moi, je vais rentrer dans ma maison, attendant que ma... Mais j'entends quelqu'un. Ne serait-ce point ma femme? Faut que j'écoute et me serve de l'obscurité qu'il fait. Adieu. Il est temps de se retirer. Quoi? Si tôt? Nous sommes assez entretenus. Oh, madame, puis-je assez vous entretenir? Et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin? Il me faudrait des journées entières pour me bien expliquer à vous de tout ce que je sens. Et je ne vous ai pas dit encore la moindre partie de ce que j'ai à vous dire. Nous en écouterons une autre fois davantage. Oh, hélas, de quel coup me percez-vous l'âme lorsque vous parlez de vous retirer? Et avec combien de chagrin m'allez-vous laisser maintenant? Nous trouverons moyen de nous revoir. Oui, mais je songe qu'en me quittant, vous allez trouver un mari. Oh, cette pensée m'assassine. Et les privilèges qu'ont les maris sont des choses cruelles pour un amant qui aime bien. Serez-vous assez faible pour avoir cette inquiétude? Et pensez-vous qu'on soit capable d'aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on ne peut s'en défendre et que l'on dépend de parents qui n'ont des yeux que pour le bien. Mais on sait leur rendre justice. Et l'on se moque fort de les considérer au-delà de ce qu'ils méritent. Voilà nos carognes de femmes. Il faut avouer que celui qu'on vous a donné était peu digne de l'honneur qu'il a reçu. Et que c'est une étrange chose que l'assemblage qu'on a fait d'une personne comme vous avec un homme comme lui. Pauvre mari, voilà comment on vous traite. Ah, vous méritez sans doute une toute autre destinée. Le ciel ne vous a point faite pour être la femme d'un paysan. Plutôt au ciel, fût-elle la tienne, tu changerais bien vite de langage. Rentrons, c'en est assez. Madame, si vous avez à dire du mal de votre mari, dépêchez vite, car il est tard. Oh, Claudine, que tu es cruelle. Elle a raison, séparons-nous. Ah, il faut donc s'y résoudre, puisque vous le voulez. Mais au moins, je vous conjure de me plaindre un peu des méchants moments que je vais passer. Oh, adieu. Où es-tu? Claudine, que je te donne le bonsoir. Va, va, je le reçois de loin, et je t'en renvoie autant. Oh. Rentrons sans faire de bruit. Oh, la porte s'est fermée. J'ai le passe-partout. Oh, ouvrez donc doucement. Oh, on a fermé en dedans et je ne sais comment nous ferons. Oh, appelez le garçon qui couche là. Colin! Colin! Colin! Colin! Ah, je vous y prends, madame ma femme. Et vous faites des escampativos pendant que je dors. Je suis bien aise de cela, de vous voir dehors à l'heure qu'il est. Eh bien, quel grand mal est-ce qu'il y a à prendre le frais de la nuit? Mais, l'heure est bonne à prendre le frais. C'est bien plutôt le chaud, madame la coquine. Et nous savons toute l'intrigue du rendez-vous et du damoiseau. Nous avons entendu votre galante entretien et les beaux vers à ma louange que vous avez dit l'un et l'autre. Mais ma consolation, c'est que je vais être vengé. Et que votre père et votre mère sont convaincus maintenant de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je les ai envoyés tirer, ils vont être ici dans un moment. Oh ciel, oh, madame. Voilà un coup sans doute où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. Et j'ai de quoi mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. Jusqu'ici, vous avez joué mes accusations, ébloui vos parents et plâtré vos malversations. J'ai eu beau voir et beau dire et votre adresse toujours l'a emporté sur mon bon droit. Et toujours vous avez trouvé moyen d'avoir raison. Mais à cette fois, Dieu merci, les choses vont être éclaircies. Et votre effronterie sera pleinement confondue. Non, je vous en prie, faites-moi ouvrir la porte. Non. Il faut attendre l'avenue de ceux que j'ai mandés. Et je veux qu'ils vous trouvent dehors à la belle heure qu'il est. En attendant qu'ils viennent, songez, si vous voulez, à chercher dans votre tête quelques nouveaux détours pour vous tirer de cette affaire. Inventez quelques moyens de rhabiller votre escapade. À trouver quelques belles ruses pour éluder ici les gens et paraître innocente. Quelques prétextes spécieux de pèlerinage nocturne. Ou d'amis en travail d'enfant que vous veniez de secourir. Oh, non, mon intention n'est pas de vous rien déguiser. Je ne prétends point me défendre, ni vous nier les choses, puisque vous les savez. C'est que vous voyez bien que tous les moyens vous en sont fermés. Et que dans cette affaire, vous ne sauriez inventer d'excuses qu'il me soit facile de convaincre de fausseté. Oui. Oui, je confesse que j'ai tort. Et que vous avez sujet de vous plaindre. Mais je vous demande par grâce de ne m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents et de me faire promptement ouvrir. Je vous baise les mains. Mon pauvre petit mari, je vous en conjure. Mon pauvre petit mari. Je suis votre petit mari maintenant parce que vous vous sentez prise. Je suis bien aise de ça. Et vous ne vous étiez jamais avisé de me dire de ces douceurs. Oh, tenez, je vous promets de ne vous plus donner aucun sujet de déplaisir et de... Tout cela n'est rien. Je ne veux pas perdre cette aventure. Il m'importe qu'on soit une fois à fond éclairci de vos déportements. Oh, de grâce, laissez-moi vous dire. Je vous demande un moment d'audience. Eh ben quoi? Il est vrai que j'ai failli... Je vous l'avoue encore une fois, et que votre ressentiment est juste. Que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez, que cette sortie est un rendez-vous que j'ai donné à la personne que vous savez. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge. Des emportements de jeunes personnes qui n'ont encore rien vu et ne fait que d'entrer au monde. Des libertés où l'on s'abandonne sans y penser de mal. Et qui sans doute dans le fond n'ont rien de... Mais vous le dites. Et ce sont de ces choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Non, je ne veux point m'excuser par là d'être coupable envers vous. Je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur. Et de m'épargner en cette rencontre le déplaisir que me pourrait causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir, me gagnera entièrement. Elle touchera tout à fait mon cœur. Et il fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient pu y jeter. En un mot, il sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries et n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, oui, oui, je vous donne ma parole que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde et que je vous témoignerai tant d'amitié, que vous en serez satisfait. Crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Oh, accordez-moi cette faveur. Point d'affaire. Je suis inexorable. Montrez-vous généreux. Non. De grâce. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non. Je veux qu'on soit détrempé de vous et que votre confusion éclate. Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Et que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions. Et de ce couteau, voici, je me tuerai sur la place. À la bonne heure. Pas tant à la bonne heure pour vous que vous vous imaginez. On sait de tous côtés nos différends et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui mette en doute que ce ne soit vous qui m'aurez tuée. Et mes parents ne sont pas gens assurément à laisser cette mort impunie. Ils feront sur votre personne toute la punition que leur pourront offrir et les poursuites de la justice et la chaleur de leur ressentiment. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous. Et je ne suis pas la première qui ait surcouru à de pareilles vengeances, qui n'ait pas fait difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont la cruauté de nous pousser à la dernière extrémité. Je suis votre valet. On ne se vise plus de se tuer soi-même, et la mort n'en est pas assez, il y a longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr. Et si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites ouvrir, je vous jure que tout à l'heure, je vais vous faire voir jusque où peut aller la résolution d'une personne qu'on met au désespoir. Bagatelle, c'est pour me faire peur. Eh bien, puisqu'il le faut, voici qui nous contentera tous deux et montrera si je me moque. C'en est fait. Fasse le ciel que ma mort soit vengée comme je le souhaite. Et que celui qui en est cause reçoive un juste châtiment de la dureté qu'il a eue pour moi. Ouais. Serait-elle bien si malicieuse que de s'être tuée pour me faire pendre? Prenons un bout de champ à d'elle pour aller voir. C'est là. Rangeons-nous chacune immédiatement contre un des côtés de la porte. Ah oui. La méchanceté d'une femme irait-elle bien jusque-là? Il n'y a personne? Je m'en étais bien douté. Et la pendarde s'est retirée, voyant qu'elle ne gagnait rien après moi, ni par prière, ni par menace. Tant mieux! Cela rendra ses affaires encore plus mauvaises, et le père et la mère qui vont venir en verront mieux sans crime. Ah, la porte s'est fermée. Voilà. Oh, quelqu'un, qu'on m'ouvre promptement. Comment, c'est toi? Oh! D'où viens-tu, bon panda? Est-il l'heure de revenir chez soi quand le jour est prêt de paraître? Et cette manière de vie est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Et cela est-il beau d'aller ivrogner toute la nuit et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme dans la maison? Comment? Vous avez... Ah, va, traître, je suis lasse de tes déportements, et je m'en veux plaindre sans plus tarder à mon père et à ma mère. Quoi? C'est ainsi que vous osez? Ah, approchez de grâce. Et venez me faire raison de l'insolence la plus grande du monde. D'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Et vous a lui-même envoyé quérir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais ouï parler. Le voilà qui revient, comme vous voyez, après s'être fait attendre pendant toute la nuit. Et si vous voulez l'écouter, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi. Que durant qu'il dormait, je me suis dérobée d'auprès de lui pour m'en aller courir. Et sans autre compte de même nature qu'il est allé rêver. Voilà une méchante carogne. Oui! Il nous a voulu faire accroire qu'il était dans la maison et que nous en étions dehors. Et c'est une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Comment? Qu'est-ce à dire, cela? Voilà une furieuse impudence que de nous envoyer quérir. Jamais. Non, non, mon père, je ne puis plus souffrir un mari de la sorte. Ma patience est poussée à bout. Il vient de me dire sans paroles injurieuses. Corbleu, vous êtes un malhonnête. C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la façon. Et cela crie vengeance au ciel. Putain. Allez! Vous devriez mourir de honte. Laissez-moi vous dire deux mots. Oh, vous n'avez qu'à l'écouter, il va vous en compter de belles. Je désespère. Oh, il a tant bu que je ne pense pas qu'on puisse durer contre lui. Et l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Monsieur mon beau-père, je vous le conjure. Oh, tirez-vous. Vous puez le vin à pleine bouche. Madame, je vous prie. Si, ne m'approchez pas. Votre haleine est empestée. Souffrez que je vous... Retirez-vous, vous dis-je. On ne peut vous souffrir. Permettez de grâce que... Bois, vous m'engloutissez le cœur. Parlez de loin, si vous voulez. Eh ben oui, je parle de loin. Je vous jure que je n'ai bougé de chez moi. Et que c'est elle qui est sortie. Oh, ne voilà pas ce que je vous ai dit. Vous voyez quelle apparence il y a. Allez, vous vous moquez des gens. Descendez, ma fille, et venez ici. J'atteste le ciel que j'étais dans la maison. Taisez-vous. C'est une extravagance qui n'est pas supportable. Que la foudre m'écrase tout à l'heure, si... Ne nous rompez pas davantage la tête. Et songez à demander pardon à votre femme. Moi? Demander pardon? Oui, pardon, et sur le champ. Quoi, je veux? Encore bleu! Si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouir à nous. Georges Dandin. Alors, venez, ma fille, que votre mari vous demande pardon. Moi? Oh, lui pardonner tout ce qu'il m'a dit? Non, non, mon père, il m'est impossible de m'y résoudre. Et je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Le moyen d'y résister. Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale. Et vous devez vous montrer plus sage que lui et patienter encore cette fois. Mais comment patienter après de telles indignités? Non, mon père, non, c'est une chose que je ne puis consentir. Il le faut, ma fille. Et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche. Et vous avez sur moi... une puissance absolue. Quelle douceur! Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures. Mais quelle violence que je fasse, c'est à moi de vous obéir. Oh, pauvre mouton! Approchez! Tout ce que vous me faites faire ne servira de rien, vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. Nous y donnerons ordre. Allons! Mettez-vous à genoux. À genoux? Oui, à genoux, et sans tarder. Oh, ciel! Que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner. Madame, je vous prie de me pardonner. L'extravagance que j'ai faite. L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde. Ouais. Et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu, si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort. Voilà le jour qui va paraître. Adieu. Rentrez chez vous et songez bien à être sage. Et nous, m'amour, allons nous mettre au lit. Ah, je le quitte maintenant. Et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau, la tête la première. Georges Dandin, comédien en trois actes de Molière, vous a été donné avec la distribution que voici. Messieurs Jean Meyer, monsieur de Sautenville, Fernand Ledoux, Georges Dandin, Michel Galabru, Colin, Jean-Paul Roussillon, Lubin, Roland Alexandre, Clitandre. Mesdames Béatrice Bretty, Madame de Sautenville, Micheline Boudet, Claudine, Yvonne Godot, Angélique.